Bonjour, c'est Jean Lebrun. En contrepoint de notre semaine sur le goulag, le témoignage de Jacques Rossi qui a passé au bas mot un petit quart de siècle dans le goulag, camp ou bien village de déportés demi-libres. Et il a rapporté de son expérience un très précieux dictionnaire en 1500 articles, un manuel du goulag. Il est revenu en France et il a publié ce manuel au Cherche-Midi, le voici en 95, au micro de Raïssa Blankoff. Le télégraphe, n'est-ce pas, la dépêche qui tombait, disait justement que je devais rentrer à Moscou. Alors, sans être remplacé par qui que ce soit, ben, je ne comprends rien. Je savais qu'il y avait des arrestations parce que je suis sur un territoire de Franco, mais quand même libre, plus libre que l'Union soviétique. Il y a, vous pouvez lire tous les journaux français, anglais, américains, n'est-ce pas, allemands, hitlériens, bien sûr. Mais nous, nous étions des fidèles communistes, des communistes très fidèles, très, naturellement, ça ne nous concernait pas. Ce sont les traîtres qui devaient avoir peur, pas nous. Alors, ma soi-disant femme, vous savez, les femmes ne sont pas toujours très disciplinées. Alors, elle s'était permis de me dire, mais ne pars pas. Alors, je l'ai engueulée. Ça, je me souviens très bien. Un clandestin, c'est fait pour exécuter les ordres, pas pour les discuter. Et c'est vrai, le clandestin ne discute pas. Hein. Bref, je suis parti. C'était toute une histoire, comment faire pour partir. C'était pas facile. Pour pénétrer en Union soviétique, quand c'était pas tracé par l'organisme communiste clandestin qui est votre patron, n'est-ce pas? Bref, je devais me débrouiller, c'est pour ça que je suis allé à Téhéran, justement, avec le visa iranien à Vienne. Je pouvais obtenir un visa de transit soviétique. C'est assez compliqué, enfin. Bref, je faisais tous ces efforts pour me faire boucler pour 24 ans. C'était Natacha du Comintern, une fille très charmante à qui il m'arrivait d'amener de mes missions une paire de bas, quelques parfums. Vous savez, je l'aimais bien, c'est une gentille fille. Et c'était elle qui m'avait reçu au Comintern. Elle m'a fait savoir que tu repars pour l'Espagne, et ben il faut que tu viennes chez nous. Ben, on m'a envoyé une voiture, on m'a amené là-bas. Et puis, Natacha, on s'embrasse, alors mon voyage, etc. Et puis, elle m'a mis dans une voiture du KGB. C'est une très belle voiture. Mais je me suis rendu compte aussitôt que ce n'était pas une voiture. Le parc automobile du Comintern, je les connaissais, il n'y avait pas grand-chose. Ben, j'étais tendu. Elle m'a fait connaître un jeune homme, ben, c'est le camarade qui va te conduire. Il va te mener là où il faut. Je ne pose pas la question. Ben, là où il fallait, c'était justement la Bolshaïa Loubianka, la grande maison du KGB. Mais si vous aviez pu fuir à ce moment-là, est-ce que vous auriez fui? Ou est-ce que l'idéal était encore plus fort que la peur? Ce n'est pas seulement l'idéal, je crois qu'il y a encore un autre moment, c'est la solidarité. Vous savez, si mes camarades passent à la poubelle, je ne suis pas sûr, mais vous savez, c'est un problème auquel je pense depuis longtemps. Si on me permettait de fuir, ça veut dire que je laissais lâchement mes camarades pourrir au goulag. Vous savez, je ne vous demande pas de me faire confiance, de me croire que c'était comme ça, mais je crois que c'était ça. Vous comprenez, si vous êtes très lié à une cause, et que vous voyez que cette cause semble devenir quelque chose d'affreux, c'est un peu, je ne sais pas, on a un peu honte de penser à sa sauvegarde. Vous savez, n'oubliez pas, je suis né en 09, donc ma mentalité est encore un peu du 19e siècle, peut-être. Le marxisme-léninisme, c'est, certains disent, une illusion. Moi, je trouve que c'est une utopie. Les utopies n'étant pas réalisables, alors si on a les moyens matériels, physiques, de l'imposer, alors là, on ne peut procéder que par la terreur. Et donc, vous savez, le goulag, ce n'est pas une déformation du marxisme-léninisme, c'est la seule façon de le réaliser. Il ne peut pas être réalisé autrement. Au goulag, ce n'est pas du jour au lendemain que je me suis dit que le marxisme-léninisme, c'est du mauvais. Je vous dirais encore mieux que le jour où j'étais déjà en prison de Bouturka, s'il y avait par hasard absolument impensable. Par hasard, s'il y avait le consul français ou polonais, parce que j'avais la double nationalité par mon beau-père, venait me tirer de la prison, je suis sûr que j'avais une seule réponse. Messieurs, j'ai rien à foutre avec vous, vous êtes des capitalistes. Nous, nous sommes des communistes, c'est un malentendu, mais ça nous regarde, nous, les communistes. Ça, c'est tout à fait certain, je n'aurais jamais voulu le parler. En 1939, dans les camps, j'ai rencontré pour la première fois les victimes, les paysans, les victimes de la collectivisation forcée. Et vous savez, quand j'ai entendu dire les paysans qui savaient pas même, qui ne savaient même pas écrire, exactement la même chose sur la collectivisation que j'avais dit il y a des années, lu dans la presse bourgeoise, donc mensongère, bien sûr, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle peut dire, la presse bourgeoise? Et elle me disait exactement les mêmes choses. Mais je me dis, merde alors! Et vous savez, c'était pas un seul paysan. Je les ai, pendant mes longues années, j'ai rencontré des milliers de paysans. Et chaque fois, je les interrogeais là-dessus. Et vous savez, les récits qu'ils venaient de telle région, de telle autre région de Russie, ou de l'Ukraine surtout. Et ça coïncidait comme deux gouttes d'eau. Alors là, j'ai commencé à me dire, peut-être c'est pas quand même une erreur que je me trouve ici. Et bref, alors pour nous expédier de la Loubianka, enfin du siège du KGB vers la grande prison de la Bouturka, on a fait amener une voiture de livraison de pain. C'était exactement la même voiture, avec les mêmes textes. D'ailleurs, à cette époque-là, les Russes, pour montrer à tout le monde qu'il y avait beaucoup de pain, beaucoup de viande, les voitures de livraison pour pain et viande avaient des inscriptions en allemand, en français, en anglais et en russe. Autrement, c'est une voiture cellulaire, mais seulement l'extérieur était fait exactement comme les voitures de livraison. On nous fait entrer dedans. Et puis, on ne voit rien parce qu'on est dedans, c'est aucune fenêtre, aucune lucarne. On voyage assez longtemps et puis on arrive. On est déjà dans la cour de la prison de Bouturka. C'est toute une histoire, l'arrivée à la Bouturka. Et vous savez, les Russes ne sont pas vraiment une bande d'imbéciles qui se laissent diriger par un seul Géorgien. C'est pas ça. C'est tout simplement qu'il y avait énormément de gens qui y croyaient. Staline, c'est pas tout simplement Staline le méchant, n'est-ce pas? Ce sont des grandes quantités de gens russes, tout d'abord des communistes qui étaient avec lui pendant très longtemps. C'est un grand effort de la part des Occidentaux, hein, je le répète 10 fois, et je le répéterai 100 fois, n'est-ce pas? Vous les connaissez, qui, pour des raisons telles ou autres, ils considéraient de devoir être de gauche. Pour être de gauche, il faut soutenir l'Union soviétique. Vous savez, c'est vraiment un effort. C'est pas un seul Staline qui a fait tout ça. Il a été aidé, soutenu. Alors, bref, un pouvoir russe, pourquoi a-t-il massacré son armée? Parce que, vous savez, le procès de ces maréchaux, pas seulement le problème du Comintern, des grands responsables économiques et autres en Union soviétique, culture, et tous les domaines passaient. Mais l'armée, hein, ben, vous savez, c'était tout le monde se disait, mais c'est idiot. Eh ben non, c'était logique, mais c'est une logique que vous ne comprenez pas, c'est une logique. Mais il faut savoir la comprendre. Vous connaissez l'histoire du moineau. Vous savez, un moineau en hiver en Sibérie où il fait très froid, ben, il a été réveillé par les rayons qui, vous savez, du soleil, si ça faisait chaud un peu. Alors il a commencé à voltiger dans les airs froids. Mais à un moment, c'était quand même la Sibérie, c'était moins 40, 45. À un moment, il tombe dans la neige. Ben là, il est encore vivant, mais certainement ça ne va pas durer longtemps. Mais il y a une vache qui passe. Et juste à la hauteur du moineau, elle soulève la queue et bah, vous savez, ça fait chaud. Et le pauvre moineau qui devait déjà mourir, ben, tout d'un coup, il sent, vous savez, il se sent tellement bien, il sort sa petite tête, il commence à gazouiller. Et il y a un chat qui passe là-bas. Le chat qui tire ce petit moineau tout dans la merde, il le nettoie, il le bouffe. Donc, il faut que vous sachiez que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent. si quelqu'un vous chie sur la tête, c'est pas forcément votre ennemi. Et celui qui vous tire de la merde n'est pas forcément votre ami. Et après tout, quand vous êtes dans la merde, vous n'avez pas de raison, aucune raison de chanter. Je crois, enfin, c'est ce que je crois avoir compris, pour s'imposer comme seul au pouvoir, Staline, qui n'a jamais été un bon orateur, il était géorgien. Les géorgiens, ça parle, vous savez, c'est une faconde. Il peut parler des heures, sans dire quoi que ce soit, mais vous savez, ils savent parler. Staline connaissait bien le russe, mais il parlait avec un accent assez fort. Il y avait des sons qu'il prononçait mal. C'était assez monotone. Il n'était pas théoricien, tandis que tous ces Boukharine, vous savez, les autres, c'était des théoriciens qui ont écrit des livres assez convaincants, etc. Pas lui. Alors comment pouvait-il faire pour devenir le seul maître à bord? Ben, il devait les zigouiller, les autres. Mais zigouiller tout simplement un Boukharine, ça fait des martyrs. Vous savez, généralement, on a de la sympathie pour les martyrs. Alors, il a fallu les convaincre de dire dans un procès public que oui, ils étaient des salauds. Et maintenant, pour le croire, il a fallu toute une structure. Dans la Boutyrka, je rencontre entre autres, Ivanov Petrov, qui était là, parce que d'il y avait 10 ans, c'était en 37, alors en 27, il faisait la cour à la cuisinière de Trotsky. Et alors dans cette prison, vous parlez énormément avec les gens, je veux dire, c'est... Non, c'est très complexe. Alors, généralement, ceux qui étaient les plus intelligents, ils parlaient, ils ne disaient rien, parce qu'ils savaient que ce que c'était. N'est-ce pas ? Et n'oublie pas qu'il y avait parmi mes camarades co-prisonniers, co-zek, ça s'appelle en russe, vous savez, le prisonnier. Il y en avait ceux qui était de mèche avec le KGB, n'est-ce pas ? Il connaissait les façons d'agir. Il y avait même des officiers du KGB qui passaient par là. Vous savez, c'est une règle que les officiers du KGB passent par la moulinette, comme tout le monde. À propos, il y a un proverbe que vous trouvez dans mon encyclopédie, la liquidation des liquidateurs. Après chaque purge massive, ça se répétait tous les 10 ans à peu près. La première, c'était 1917, mais une très grande purge, c'était 27, c'était la répression des trotskistes, soi-disant, n'est-ce pas ? Ensuite, 37, ensuite en 47-49, c'était une autre grande purge, mais qui était beaucoup moins connue à l'étranger. Et ben, le grand camarade Staline, qu'on aimait, que beaucoup de très grands intellectuels français pleuraient, hein. Aragon, n'est-ce pas, il pleurait. C'est Aragon qui, lui, c'est vraiment... Alors ça, il faut lui rendre la justice. C'était le premier, je crois, le seul à avoir constaté que Staline était mieux que le soleil. Parce que le soleil brille seulement pendant le jour, tandis que Staline brillait et la nuit et le jour. Surtout la nuit. Pendant la Grande Purge, alors on ne sait pas exactement, c'est drôle, mais vous savez, avec toute la précision soviétique, on n'arrive pas à définir exactement ni le nombre de la population goulagienne, ni le nombre très précis des victimes, des gens fusillés. Ils étaient, à ce qui paraît quand même, entre 36 et 38, enfin, le point culminant, c'était 37, à peu près 1,5 million. Et la fusillade, ça se faisait d'une façon d'ailleurs très humaine. La victime ne savait pas quand elle allait recevoir son trou dans l'occiput. Ça s'appelle... Être fusillé en argot goulagien, ça se dit, et pas seulement goulagien, parce que l'argot goulagien devient maintenant la langue du peuple populaire. Tout le monde emploie cette langue, tellement le mixage entre le goulag et la population hors goulag, c'est total maintenant. Alors, recevoir le trou dans l'occiput, pourquoi ? Parce que la victime, elle est conduite dans un couloir, et il y a des meurtrières que celui qui passe ne les voit pas. Et à un certain moment, il reçoit sa balle. Et c'est fini. Ça, c'est dans les prisons dites prisons abattoirs. C'était toutes les prisons départementales, prisons abattoirs. Alors, il y a depuis des années 30, à peu près, on a mis sur pied des systèmes de rinçage. C'était un type qui me l'a raconté ça. Il avait peut-être 50 ans, en 37. Il était dans la garde de Lénine dans les années 20. Et il était tchéquiste, donc le KGB. Et il racontait comment que ça se faisait. Il me racontait tout ça comment... Parce que lui, il croyait en Lénine et en léninisme. Donc, quand on lui disait d'abattre un détenu, ben, il le faisait pour la gloire de la chose, n'est-ce pas? Alors, il me dit que, tu sais, alors tout d'abord, il faut être sûr qu'il ait bien les mains liées, parce que ça peut t'emmerder. Tu lui dis d'aller, tu le guides comme ça, avant, je tourne à gauche, je tourne à droite. Et là, il y a un endroit où il y a de la sciure qu'on a préparée. Et c'est là qu'il s'agissait de l'abattre. Alors, tu lui presses le canon de ton revolver à son occiput, et en même temps que tu tires la gâchette, tu lui donnes un coup de pied dans les fesses. C'est pour que son sang ne gicle pas sur ma veste, ma pauvre Macha qu'il a lavé déjà tant de fois. Alors vous voyez combien il était brave homme. Je connais son nom. C'était donc en 37. Les salles de la prison de Bouturka ont à peu près 11 mètres sur 6. C'était en 37 et 38 et 39 que j'étais dedans, mais quand même, j'ai bien gardé le souvenir. Ça s'appelle Bouturka parce que c'était auparavant sous les tsars, sous Catherine la Grande. C'était des casernes de hussards, je crois, de Sa Majesté. Et c'était des salles pour 11 hussards. Et comme sous le régime soviétique, vous savez, on dépasse les normes tsaristes, c'est normal. Nous, nous étions jusqu'à 120, 130. Quelle est la première fois où on est venu vous chercher pour vous interroger? C'était, je crois, plus de un mois. Ce que je ne comprenais pas, parce que si on me fait rentrer d'Espagne d'urgence, où je suis responsable d'une radio clandestine, et quand on me convoque pour me poser des questions, et on me dit, est-ce que vous savez pourquoi êtes-vous là? Alors ça m'étonne un tout petit peu. Vous êtes un espion français, Palanet. Alors là, vous savez, j'ai vraiment rigolé. Parce que c'est tellement idiot, vous savez, moi qui étais quelque chose qui venait d'être tiré d'Espagne. Alors je me suis dit, alors c'est bien, c'est évident. Alors maintenant, dans quelques minutes, elle me dira, mais oui, camarade, on s'était trompé, etc. Ou bien, au maximum, ce sera dans 2 ou 3 jours, n'est-ce pas? Eh bien, les 2 ou 3 jours, ça a duré 24 ans à peu près. Écoutez, j'étais communiste. On n'avait pas besoin de me torturer pour dénoncer qui que ce soit, parce que j'étais communiste. Le marxisme-léninisme, la réalisation du programme marxiste-léniniste, c'était le but suprême. Et si quelqu'un de mes camarades, si je le savais, qu'il sabotait, ben certainement je l'aurais dénoncé, certainement. Sans hésiter. Alors pourquoi est-ce qu'ils vous ont battu Ben parce que je ne pouvais pas dénoncer des gens dont j'étais sûr qu'ils étaient honnêtes. C'est tellement noble, tellement sain, vous savez, c'est noble entre tout. L'idéal de construire le bonheur de l'humanité tout entière. Hein. C'était vraiment quelque chose d'extra important. Hein. Ce qui est relativement drôle, enfin c'est drôle, mais enfin tout est relatif. Hein. Alors c'est que les techniques étaient les mêmes, mais ce qui était vraiment assez curieux, que quand on s'est retrouvé beaucoup plus tard dans les camps et qu'on a rencontré des gens qui étaient torturés, eux, dans d'autres établissements, que les techniques étaient toujours les mêmes, presque toujours. Ça veut dire qu'il y avait probablement déjà une technologie qui a été déjà préparée, que c'était pas l'arbitraire. Il y a deux raisons pour lesquelles on va au Goulag. La première raison, c'est quand il y a un soupçon de soupçon. Et la deuxième raison, ce sont tous les autres cas de figure. Il n'y a pas de troisième. Le pouvoir soviétique publiait systématiquement des oukases, des décrets, déclarant que telle chose devenait criminel. Alors, peu après l'attaque hitlérienne, c'était en 41, n'est-ce pas, 22 juin, on a introduit de rigueur pour le travail. Les gens qui venaient en retard de 15 minutes, c'était un décret spécial, ils pouvaient aller prendre 5, 4, parfois 7 ans de goulag. Il s'agissait en l'occurrence surtout des jeunes paysans, parce que les ouvriers qui étaient mobilisables, ils étaient envoyés au front. Il y avait beaucoup de main d'œuvre dont on avait besoin, et on a remplacé cette main d'œuvre par des jeunes à partir de 12 ans, 13 ans. J'étais déjà dans les camps de Norilsk, c'était en Arctique, sur les bords de l'Yénissée, pas loin de l'océan glacial. Et je me souviens vraiment de ces masses, de ces jeunes garçons et jeunes filles qui étaient là, et qui devenaient naturellement des criminels. Parce que vous savez, c'est toujours cette hypocrisie. Sous Lénine, au début, ça s'appelait les camps de concentration. Mais puisque les camps de concentration, c'est pas tellement marxiste-léniniste, alors on a changé le nom. En 1930, on a introduit le nom les camps de rééducation par le travail. Mais l'administration était la même, le personnel était la même, enfin les méthodes étaient toujours les mêmes. Les mots ont beaucoup d'importance parce que pour l'autorité, ça les engage à rien du tout. Et pour le public, ben, ça les engage à y croire. Vous savez, c'est une inflation linguistique, si vous voulez, institutionnalisée. Ces pauvres jeunes, c'était vraiment assez malheureux. La plupart devenaient vraiment des voyous terribles. Je me souviens une fois, dans une prison de transit à Irkoutsk, on était trois ou quatre, et à côté, il y avait une grande cour de récréation où il y avait des fillettes. Et j'ai vu déjà des choses. Et vous savez, quand j'ai entendu tout ce qu'elles savaient nous dire, c'est, je ne sais pas, une bande d'une vingtaine de fillettes, de 10, 12, 15 ans peut-être au maximum, vous savez, ça me faisait froid dans le dos. Vraiment des bêtes féroces. Je me suis dit, dans mon fort intérieur, je dis, mais quelle chance qu'elles sont séparées par ce filet de métal. J'avais vraiment peur de ces fillettes. Officiellement, en Union soviétique, on était goulagisable, si vous me permettez le mot, à partir de 12 ans. Alors, 12 ans accomplis, le délinquant, il répondait déjà devant la justice comme un adulte, y compris donc la peine capitale. Et au fur et à mesure des transferts, il arrive parfois qu'avec un groupe de prisonniers se trouve un autre qui ne fait pas partie, n'est-ce pas, de cette catégorie. Ben, c'était le cas de ce petit Vachia, qui était, je ne sais pas s'il avait déjà 12 ans, je ne crois pas, il était très petit, il ne prononçait pas son russe encore correctement. On a été conduit dans une prison de transit, on était là pour quelques jours seulement, alors les gardiens étaient conscients que nous n'étions pas tellement dangereux. On nous a enfermés dans un réduit, c'était une paroi en contreplaqué qui ne montait pas jusqu'au plafond. Et la porte se fermait avec un crochet de l'extérieur. Alors, c'était vraiment pas du tout sérieux. Et Vachia, n'est-ce pas, comme qu'il est vraiment agile comme un singe, dès que le gardien était parti, on a entendu ses pas s'éloigner, ben, il a grimpé, il a sauté de l'autre côté, il ouvre la porte, il dit « Amnistie générale, sortez !» Et vous savez, il a fallu voir que nous étions terrifiés. Tous, nous étions vraiment des fervents soviétiques, pro-soviétiques, communiste. Je ne participerai jamais à un acte anti-soviétique, parce que faire une évasion d'une cellule, même à l'intérieur d'une prison, c'est quand même un acte contre-révolutionnaire. Alors nous étions tous vraiment terrifiés. Alors comme Vassia est un très brave garçon, on a réussi à le demander de nous renfermer, il a escaladé. J'ai pensé assez souvent à ce garçon. Plus tard, je me suis rendu compte, ben, le pauvre Vassia, au bout de deux ou trois ans de goulag, ben, ça sera déjà un criminel consommé. Et à propos, ce sera une occasion de dire ici le goulag. Vous savez, on dit en français assez souvent les goulags. Les goulags, c'est pas tout simplement le mot russe pour le camp de concentration ou bien pour les camps de concentration. C'est le nom officiel de l'institution d'État qui s'occupe de tous les prisonniers, y compris ceux qui sont encore en prévention, ceux qui sont en transport, parce que le transport des prisonniers, c'est une chose, c'est une industrie à part, vous savez. Il y a des millions de prisonniers qui ont fait traverser cet énorme pays. Les déportés, il y a plusieurs catégories ici. Dans les pays civilisés, il y a à peu près, je ne sais pas, deux ou trois catégories de privation de la liberté. En Russie, c'est énorme, il y a plusieurs catégories. Et tout ça est coiffé par le goulag qui veut dire, le premier caractère, ça veut dire direction nationale ou centrale. Et la syllabe lag, c'est la première syllabe du mot camps. Donc, on a pris l'habitude de dire goulag pour dire tout simplement les systèmes concentrationnaires soviétiques. Vous savez, le prisonnier, c'est un objet. Il n'a rien, absolument rien à savoir. On ne sait jamais où on est conduit. Il y a trois situations seulement où le prisonnier a droit de savoir. Alors, quand on le conduit aux chiottes, quand on le conduit dans l'établissement des douches et en promenade, c'est les trois. Ça, c'est très caractéristique. Et ça augmente vraiment votre insécurité. Vous ne savez jamais rien. Combien avez-vous connu de camps ? Pas beaucoup. J'ai connu beaucoup de prisons de transit, une cinquantaine peut-être, parce que j'étais surtout dans le camp de Norilsk, un peu dans le camp de Krasnoïarsk, pas longtemps, et on m'a fabriqué une nouvelle accusation tout aussi fausse naturellement que la première, à Norilsk, grâce d'ailleurs à un citoyen français qui a répondu au commissaire ce qu'il a voulu savoir, le commissaire, que oui, j'ai voulu entreprendre une évasion du camp en Arctique. C'est une chose absolument idiote. De toute façon, il était très malheureux de se retrouver à Norilsk. On l'a aidé à trouver ma trace. Alors moi, pour la première fois que je reçois un petit mot, vous savez, écrit par un Français avec quelques fautes d'orthographe, mais vous savez, c'était des fautes qu'on fait normalement. Alors j'étais naturellement tellement ému de pouvoir aider, moi, un vieux prisonnier, vous savez, on est chez soi, en prison, vous savez, on connaît déjà les coins et les recoins. Alors bref, je faisais tout mon possible pour l'aider, et on lui a demandé de dire que nous devions partir grâce aux Américains, vous savez, le Satan américain qui devait envoyer un avion pour nous sauver de Norilsk, c'est une chose comme ça.